Chapitre 2e. On jugera par la brève esquisse de cette situation et de ce caractère quel tressaillement de cœur dut donner à François de Bessay, une après-midi qu'il revenait précisément d'une de ses leçons de Berne, la conversation suivante, tenue à très haute voix par deux de ses compagnons de wagon. Il faudra pourtant que l'Europe tout entière finisse par se liguer contre ces gens-là, avait commencé l'un, brave et paisible bourgeois suisse, dont la large main tendait à son voisin, un homme carré du même type, un numéro de journal. Il se croit partout en Russie. Encore un attentat politique commis dans un hôtel à Muren, un coup de revolver tiré par une Russe, et vous allez voir, de nouveau une erreur sur la personne. Nous n'avons, vous et moi, qu'à ressembler pour notre malheur à un grand-duc ou un général condamné à mort par un de leurs comités, et nous ne pourrons même plus prendre notre tasse de café tranquillement dans un lieu public. Je vous répète qu'on devrait les expulser tous. Et le moyen ? Répondit l'autre après avoir lu l'article que son ami lui désignait. Ils ont l'habileté d'employer des instruments qui déconcertent la surveillance. Si ce que raconte ce journal est vrai, allez donc dépister une nihiliste dans une jeune femme de 25 ans, inscrite à l'hôtel sous un nom danois, qui se tient parfaitement, ne parle à personne, paie sa note d'une façon régulière et paraît inoffensive comme vous et moi. En attendant, interrompit le premier des deux interlocuteurs, cette infortunée Stenakers est mort, et cette prétendue Madame Nutsvet s'est échappée. Les 25 témoins de cette scène n'ont pensé qu'à fuir, et elle a eu le temps de disparaître. Il y a quelqu'un qui ne dormira pas tranquille ces nuits-ci, c'est le général Gorka, lorsqu'il saura qu'il a une pareille gaillarde à ses trousses. Vous avez vu, aux dernières nouvelles, que le patron de l'hôtel a reçu une lettre d'elle, où elle lui demandait pardon du dérangement qu'elle lui causait, en expliquant que M. Stenakers n'était pas M. Stenakers, mais le général. Et ce pauvre Stenakers était vraiment un innocent rentier belge, venu à Muren comme tous les ans, pourvu que nous apprenions demain qu'elle est arrêtée. J'ai trouvé la lettre, reprit le second bourgeois. C'est inouï, inouï. Et elle envoie un billet de 50 francs pour un reliquat de notes et les pourboires au garçon. Elle a eu l'audace d'entrer quelque part sur sa route, d'écrire ce mot et de le jeter à la poste. Des assassins qui ont de ces scrupules, qui se croient honnêtes, qui le sont, jusqu'au pistolet ou à la bombe exclusivement. Et celle-là qui garde 4 balles dans son revolver, puisqu'elle n'en a tiré qu'une. C'est pourtant naturel que l'on n'ait pas été tenté de l'arrêter. Pourriez-vous me prêter votre journal une minute, messieurs ? Interrogea une voix timide, celle de François. Lui, qui d'habitude accomplissait ses voyages à Berne sans échanger une parole avec qui que ce fût, n'avait pas résisté au désir de connaître par le menu une tragédie si pareille à celle où son père avait trouvé la mort. Le digne citoyen suisse regarda une seconde l'inconnu en grand deuil qui l'interpellait. Son honnête visage traduisit une hésitation comme s'il appréhendait de rencontrer un coreligionnaire de la fausse Madame Nutsved. L'évidente candeur, comme répandue sur toute la physionomie de l'orphelin, eut aussitôt raison de ce sursaut de défiance, et il donna le journal demandé avec une phrase aimable. « Mais gardez-le tant que vous voudrez, monsieur. Je l'ai fini. » Et mon intention était de le laisser dans le train. Il donne le signalement de cet anarchiste russe. Qui sait si quelqu'un, ayant lu ces lignes par hasard, pour avoir trouvé le journal dans ce wagon, ne la reconnaîtra pas. Et j'espère bien qu'il la dénoncera. Ah, je voudrais que ce fût moi. Si les étrangers ne sont pas en sûreté en Suisse, où le seront-ils ? Cette remarque naïve résumait la psychologie d'un pays où le touriste est l'industrie nationale. Le jeune homme n'était pas capable d'en percevoir l'égoïsme, à la fois si légitime et si comique, tant il avait été bouleversé par une des phrases qui avait précédé celle-là, ayant lu ces lignes par hasard. Tandis qu'il parcourait lui-même le récit de ce sanglant fait divers, sa pensée s'était soudain transportée dans le salon où il savait que sa mère se tenait à 7 heures. Madame de Bessay prenait le thé. Il lui arrivait souvent, après ce petit goûter, de faire quelques pas au devant de son fils, lorsque celui-ci rentrait de Berne, et si le train avait du retard, elle poussait sa promenade jusqu'à la station de Scherzlingen. Si elle faisait cela aujourd'hui, elle pouvait entendre des voyageurs parler du crime de Muren. Peut-être achèterait-elle un journal, comme elle l'avait fait dans la petite gare du Bourbonnais où elle avait appris la mort de son mari. Elle lirait toute cette histoire, et elle subirait un de ces contre-coups que les médecins, et en particulier le professeur D, avaient tant recommandé d'éviter. Tout le progrès accompli depuis les dernières semaines serait compromis. Oui, songeait le fils en poursuivant sa lecture, ce monsieur a raison. Il faudra que l'Europe se ligue tout entière contre ces monstres. Ils ne connaissent pas toute la portée de leur crime. Si maman retombe, à cause de cette secousse inattendue, ce sera l'œuvre de cette misérable. Ce monsieur a encore raison de dire « je voudrais que ce fût moi ». Chacun devrait se faire le justicier de Paris forfait. Maman était si bien ce matin quand je suis parti. Je m'en réjouissais, et que le temps fût beau, j'avais tort. On a toujours tort quand on n'a pas peur de ses désirs. Mes livres disent cela, et la vie le prouve trop. Mon père considérait comme un bonheur cet héritage Verekiev. Il en est mort. Il en est de même du grand au petit. S'il pleuvait, je serais sûr que maman n'aurait pas l'idée de venir à la gare. Elle aura cette idée certainement, avec ce ciel bleu. Elle voudra savoir les détails. Elle les sait à cette minute. Ses réflexions, dont quelques-unes étaient au-dessus de son âge, comme l'épreuve qu'il traversait, avaient, on le voit, aussitôt abouti chez le jeune homme à une certitude. Qui donc a pu aimer passionnément un être fragile, sans admettre comme vrai les pires possibilités, dès qu'il s'agissait de cette tête trop chère? Pour François, à l'instant où l'employé cria le nom de Scherzlingen, la présence de Madame de Bessay sur le quai ne faisait pas doute, non plus que le reste de ses imaginations. Ce cauchemar anticipé s'évanouit à la descente du wagon. La silhouette de la veuve, avec son visage anxieux, creusé de chagrin sous son voile de crêpe, n'était pas là. Le fils ne fut pourtant rassuré entièrement qu'à son arrivée à Stockhorn, et quand il eut causé avec leur domestique. « Maman n'a pas été souffrante, Pierre ?» demanda-t-il, et son cœur battait, à coups plus fort, comme toujours. « Maman est dans le salon, qui écrit des lettres, » répondit Pierre. « Elle n'est pas sortie, parce qu'elle a été fatiguée par la chaleur. »« Elle n'a pas reçu de courrier de France ou d'ailleurs ?»« Non, tant mieux, » reprit le jeune homme. « D'ici à quelques jours, vous aurez soin qu'il ne traîne dans la maison aucun journal. Vous entendez ? Aucun. » Et il commença d'expliquer en quelques mots le motif de cet ordre absolu. Pierre, qui avait été ordonnant chez le commandant de Bessay avant d'épouser la femme de chambre de la veuve, écoutait le récit du drame de Muren avec une consternation épouvantée. Son cri de vieux serviteur fit écho à celui qu'avait poussé le bourgeois suisse dans le compartiment du train de Berne. « On ne se décidera donc pas à chasser ces brigands de partout. Si j'en tenais un, je le pendrais de mes mains, sans remords, à ce grand arbre. Soyez bien tranquille, monsieur François. Je ferai la recommandation à Louise, et madame ne connaîtra pas cette nouvelle horreur. Vous avez bien raison. Dans son état, elle s'agiterait. Tout son chagrin lui reviendrait. Il ne faut pas. »